La chanson que j'adore et que je me ferai un plaisir d'écouter plusieurs fois si je pouvais. Et donc on récupère c'est toujours les débats de la nuit du jeudi. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000, 0870 5000, et toujours le Minitel à votre disposition, 3615 code Fun Radio, rubrique direct, et n'hésitez pas à appeler, même sur Minitel, je répondrai à vos questions sur les boys bands, et on va... Ça fait fuir petit cœur. Et toujours petit cœur, alors petit cœur. Il y a LOL, Jean-Pierre, Akira, Fiti, Nanou, Annette, il y a plein de monde. Non, alors petit cœur, s'il te plaît, t'es gentille. Je voudrais bien que tu laisses ton numéro. On va te rappeler si tu veux participer au débat. Je te remercie d'avance. On va récupérer Alexandra. Bonsoir. Bonsoir. Magali. Bonsoir. Alexandra. C'est vrai, il faut se dire bonsoir. Ah, hein. Bonsoir. On a oublié le truc. Hein. Et on fait comme avec Nagui, Alexandra. Bonsoir Alexandra. Magali. Bonsoir Magali. Jean. Bonsoir Jean. Patrick. Bonsoir Patrick. Jeanne. Bonsoir Jeanne. Et Virginia. Bonsoir Virginia. Alors donc la quatrième. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bon, ça y est. Bon, ça y est. Bon, c'est bon. On arrête avec le bonsoir. Allez. Bonsoir. Les membres d'un boy band sont-ils intelligents? Eh ouais, la question est. Je crois que c'est clair, Gérard. Alors. Elle est bonne, celle-là. Alors, vas-y, Jean. Magali veut s'exprimer. Attends, Magali. Jean. Je crois que c'est clair que non, quoi. Quand tu entends To Be Free, tu peux dire que. Tu regardes la série, quoi, c'est clair, quoi. Non, mais je regarde pas la série à la télé, d'accord? Arrête de mentir, Gérard. Je regarde pas ça, d'accord, s'il te plaît. Ouais, non, je regarde pas ça. Ok. Patrick? Ouais, bah, moi, je suis d'accord avec Jean. Mmh. Donc, c'est tout, c'est tout ce que t'as à dire? Non, mais 32 cuits, franchement. Eh, Lyon, vous êtes pas bavard, là. Je peux m'exprimer? Oui, c'est qui? Virginia. Oui, Virginia, je t'écoute. Je pense pas que l'intelligence se situe là. Pourquoi? Ils ont leur part d'intelligence, forcément. La preuve, ils gagnent beaucoup d'argent. Et tu vois, ils ont été assez intelligents pour faire partie d'un boys band, d'en profiter au moment propice, parce que c'est le moment des boys bands. C'est pas trop parce qu'ils ont quand même une certaine intelligence. Ouais, mais non, mais elle a raison. C'est des marionnettes, des pantins, qu'on manipule avec de l'argent. D'accord. Voilà. Alexandra? Magali. Alors moi, bah Alexandra, moi je suis carrément d'accord avec Virginia. D'accord. Tout à fait, c'est vraiment, c'est ça quoi. C'est tout okay. Magali? Ouais. Mais moi je pense que quand on fait une série et qu'on sait qu'on est regardé par des jeunes qui ont 14-15 ans, on évite de parler constamment de cul quoi. Non mais attends, 14-15 ans, moi j'arrive même à te dire, voire 10-11 ans aussi. Hein. Oui, parce mais ouais, mais il y a Safan Nana qui ont 10-13 ans et qui sont quoi des boss bands comme les To Be Free, les What's Apart et autres. Hein. Parce que j'ai regardé des reportages sur M6, c'est pas pour dire, mais bon, bah, comme je regarde souvent M6, hein, je peux vous dire une chose, que là, j'ai vu un reportage là-dessus sur les What's Apart, les To Be Free, les 3T, et ben je peux vous dire une chose, que les trois quarts des nanas ont à peine 15, voire 12, 13, 14, 15, 16, 18, même pas 20 ans. Gérard? Oui. Et toi, quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que t'écoutais à 14-15 ans? Alors moi, ce que j'écoutais à 14-15 ans... La musique? Ouais, mais quoi? Oui, quoi? Ouais, quoi comme musique? Alors moi, je vais te dire une chose, à 14-15 ans, ce que j'écoutais... Johnny? Non. Claude François? Voilà. Ah. Claude François, Michel Sardou et Joe Dassin. Ah, c'est bien, Joe Dassin. Et Michel Sardou, Joe Dassin. Je peux vous dire une chose, que Michel Sardou et Joe Dassin... Femme des hommes, 80. Voilà. Les femmes jusqu'au bout des seins, il y en a une sur la balte. Et ainsi de suite. Voilà, féminité et du charme. Ou sinon, il y a... Alexandra. Ouais, Alexandra. Il y a, comme d'habitude, il y a... Il y a juste pour revenir un petit peu sur le truc d'avant. Petit cœur qui est de retour sur Minitel, mais qui apparemment s'énerve et dit les boys bands ne sont pas intelligents, mais ils le sont déjà plus que toi, Gérard. Ouais, mais alors petit cœur, ça fait 5 ans. Petit cœur. Tu te défends. Et encore moins que lui, parce qu'il ne s'adresse pas directement à Gérard. Voilà. Alors petit cœur, ça fait 50 fois que je te demande ton numéro de téléphone si tu veux réagir. Non, mais s'il est sur Minitel, il ne restait que de réagir que sur Minitel. Eh ben alors, petit cœur, tu peux y aller. Je te répondrai. Si tu veux même réagir au deuxième débat, tu pourras. C'est pas un problème. Attendez. Est-ce que tu écoutais Yvette Horner? On pose la question. Non. Non, non. Voilà, l'accordéon, c'est pas mon est-ce style. Écoutez Abba. Abba, j'aime bien. C'était des boys bands aussi, les Abba. Boys band. Ouais, mais il y a Abba, il y a aussi, si on veut aller là-dessus, on peut y aller avec. Village People. Ouais, les Village People aussi, alors. Ouais, YMCA. Sinon, qui c'est qu'on a d'autres encore Bonheur des Dames. Bon, il y en a hein, des groupes que j'aime. Martin Circus. Les Martin Circus. Ouais, mais c'est pas pareil, les Martin Circus. T'aimais quoi, toi, comme boys band à l'époque? Comme groupe en boys band, Dans les années 50, t'aimais quoi? Ah non, bah, les années 50, j'étais pas encore né. Ah bon? Je suis né en 61, quand même, Macaille. Les 60. Donc, Magali. Oui, c'est moi. Oui, ben alors, pour toi? Pour moi, quoi? Ben. J'ai répondu. T'as répondu? Oui. Jeanne, t'as répondu? Ah non, j'ai pas répondu, non. Bah alors, vas-y. Ouais, moi, je pense que l'intelligence, c'est pas leur problème, quoi, à la rigueur, tu vois. Ils ont chacun... Il y a les mecs qui font la musique, d'autres qui font les paroles, ils sont là pour danser et tout, les mecs qui font leurs fesses. C'est pas le problème, quoi. Eux, bon, ils sont là pour se dévouer, tu vois. Non, mais... Mais pourquoi, pourquoi? Pourquoi pour toi? Ben, pour moi, c'est des mecs qui se sacrifient, tu vois. Ils sont là et ils vont passer leur vie, ils la donnent aux autres. Ils vont passer leur vie. Qu'est-ce que c'est beau. Ils ont des millions aussi, quoi. Ils vont tomber bientôt, ils vont se prendre une sacrée claque. Ouais. Dans deux ans, ils sont cuits. Oui. C'est un choix, mais... c'est un sacrifice. Dans deux ans, non, mais attendez. On mélange pas les torsions et les serviettes. D'accord. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Laissez-la quand même s'exprimer. Oui. Hein? Ça sera quand même assez sympa. C'est n'importe quoi, ça. Quoi, c'est n'importe quoi? Non, pour moi. Non, mais attends, ce qu'elle a à dire, pour moi, c'est plus intelligent que vos réponses que vous m'avez dit. Je m'en fous. Merci, tu fais des conneries, quoi, c'est ça, quoi. Bah oui, de toute manière, je vous demande de répondre à la question correctement. Vous me répondez que des conneries. Il y a juste Stop, il y a juste le boys squib sur Minitel qui dit: Gégé, tu écoutes de la merde et tu critiques les boys band, c'est un comble. Les petits cœurs qui laissent un morceau de son numéro de téléphone et qui dit: j'ai oublié mon numéro de tête. Ah bah alors petit cœur, laisse ton numéro complet s'il te plaît. Merci. Donc c'était qui voulait réagir? Je crois que c'était Jeanne. Jeanne ou Magali, je sais plus. Non, c'est Jeanne, moi j'avais déjà réagi. Bon, alors donc Jeanne, on va activer parce qu'on va pas. Il est quand même déjà presque 2 heures, on va activer. Oui, en gros c'était ça, quoi. J'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. Passe à autre chose. Alors, les membres des boss bands ont-ils un quelconque talent? Non. Alors, attendez. Qui c'est qui a dit non en premier? Attends, est-ce que tu penses, toi, puisque tu as dit tout à l'heure que y avait certains trucs que tu appréciais, que eux, ils ont un certain talent? Vous avez du talent pour toi ou pas? Certains groupes, oui, ont du talent, comme. Je vais pas reciter tous les noms parce que je les ai pas tous en tête. Pour toi, ils ont tous du talent. Ouais, mais moi, je vais vous dire, le seul groupe qui a eu du talent jusqu'à maintenant. Je sais pas si on va pouvoir le passer ce soir, malheureusement, parce que je pense qu'on doit pas l'avoir. C'est le groupe ABBA. ABBA, oui. Le groupe ABBA. Un grand groupe, hein. Le groupe ABBA ou les Bee Gees. Ah, oui. Oh là, les Bee Gees, superbe boys band. Ça. Les Bee Gees ou sinon, je pourrais... Vous oubliez un peu les musclés, là, quand même. Aussi. Comment? Allez, pourquoi? Va te cacher. Moi, je suis pas d'accord. Mais Gérard. Oui. Comment est-ce que tu peux comparer? Attends, qui c'est qui parle là? Donnez votre nom. Gérard, Alexandra. Allô? Oui, je t'écoute, Alexandra. Oui. Bon, comment est-ce que tu peux comparer les boys band d'aujourd'hui avec les Bee Gees et ABBA? Gérard? Non, mais attends, c'est Magali qui vient de me parler. Juste un mot. Bon, alors Magali, c'est qui a parlé en premier là? C'est Alexandra. Bon, allez, Alexandra, moi je vais te dire une chose. Oui. Bon. Je préfère, par rapport au Toubitri et tout ça, et je préfère le groupe ABBA, parce qu'ils ont ils ont des plus belles chansons, et au moins, dans leurs chansons, on comprend ce que ça veut dire. Oui, ouais. D'accord. Hein? Oui. Même dans les Bee Gees, je suis désolé, on comprend tout. Hein, tu vas pas me dire, le mec à part dire les words apart quand ils nous font dire, quand ils veulent je te donne, apparemment, c'est qu'ils veulent vous donner quelque chose. Hein, en fin de compte, ils veulent vous dire qu'ils vous donnent votre cœur. Qui vous donne son cœur. C'est quand même une chanson reprise, hein. Oui, d'accord, c'est Je te donne de Jean-Jacques Goldman, je suis d'accord avec toi. Oui, mais en fin de compte, cette chanson, elle a été reprise par eux. Ouais. Mais en fin de compte, ce que je veux te dire, c'est que, bon, bah, en fin de compte, ils vous déclarent leur flamme. Waouh. Ah oui. C'est du rêve, si. Non, ils vous déclarent leur flamme. Je suis désolé. C'est vrai. Oui. Je suis désolé, je les ai vus. Je les ai vus en direct. Thomas était très content d'avoir été repris d'ailleurs. Hein? Ouais, mais... Ah oui, c'était. Je sais plus où j'ai vu ça quoi. C'était non mais moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que. La chanson quoi, tu vois. Oui mais moi je suis pas d'accord que qu'un groupe comme ça reprenne une chanson de Jean-Jacques Goldman. Désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est mon avis. Il n'y a pas que qui reprennent une chanson. Oui mais d'accord, il y a un peu tout le monde. Ok, je suis d'accord avec toi. Magali. Oui, juste avant un petit tour sur Mintel, parce qu'il y a plein de messages de Ward qui dit Gérard a craqué sur Petit Cœur parce qu'il est tendre et croquant. Petit Cœur qui te répond Gérard, l'amour est mystérieux et tu vas patienter et être assez intelligent pour refaire le puzzle de mon numéro. Oh et Akira qui dit Gérard, Florent et Max, un boys band qui casserait des briques. Donc je pense que. C'est qui qui Akira. Akira. Akira, je te préviens une chose que tu n'es pas. Déjà, l'animateur et le standard en jeu, ça n'a rien à voir. Faut pas confondre, hein. Attends, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que faut pas confondre. On mélange pas les torchons et les serviettes, voilà. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? C'est dire que nous on est des nazes et que toi t'es bien, c'est ça? Non. Non, mais on n'a pas à confondre le boulot avec le standard et l'animateur. C'est pas un boulot qu'on fait au standard? Oui, mais d'accord, c'est un boulot qu'on fait. Non, attends, sans nous, on pourrait pas faire ton débat. D'accord. Oui, j'ai un peu la grosse tête quand même. Non, je prends pas la grossette, je défends quand même le gagne-pain de tout le monde. C'est pas parce que j'étais cruel hier que faut remettre ça ce soir en jeu. Hey. D'accord? C'est clair et net. Alors, Atania sur Minitel, ta réponse c'est clair et net. Point final à Lani. Maintenant, on revient au thème du débat. Prochaine question sur Minitel, comme ça je réponds pas. Hein. C'est clair et net. Allez, est-ce que Alexandra, t'as répondu à la question? Je sais plus. Les membres des Bosons ont-ils un quelconque talent? Non, j'ai pas répondu. Bah alors. Attends, tu m'as dit quoi? J'ai pas compris là. Les quoi? Les boys band, est-ce qu'ils ont un talent quelconque? Un talent quelconque, à part danser, à la limite, c'est tout. D'accord. Parce qu'ils chantent pas, et c'est pas eux qui font la musique, c'est pas eux qui. Mmh. Bah, voilà quoi, c'est tout. D'accord. Magali? Ils ont un talent, c'est le talent du marketing et de la publicité. Mmh. Ouais. Bon. Ils savent se vendre. Et aimeriez-vous être à leur place? Non, mais réveillez-vous oui, là quand même. Non. Qui, oui, non. Enfin, oui et non. Qui, non, oui et non. Oui et non. Magali. Oui. Magali, pourquoi oui et non? Non, Magali, non. Pourquoi? Parce que c'est perdre sa liberté. Ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, de toute manière, j'aimerais pas être à leur place non plus. Hein. Pourquoi t'aimerais pas être à leur place, Gérard? Bah non, Gérard, t'aurais de la thune, des nanas, tu serais beau, et tu ferais de la danse, des grands écarts, et t'aurais un fan club. Non, mais. Oui, mais plus de personnalité. Voilà. Ça te plairait pas, Gérard? Non. Pourquoi? Chanter des chansons d'Abba et de. Non, ça m'a. People, tout non, ça. Non, ça m'intéresse pas du tout. Et faire un duo avec Ricky Martin? Ah, ça, peut-être. Ça ah, bah cool, donc, tu pourrais faire un boys band avec Ricky Martin? Ah, bah, si on me le propose un jour, pourquoi pas? Bah donc, tu vois, Gérard, tu pourrais faire un boys band. Voilà. Donc, Alexandra? Oui. Alors? est-ce que tu veux être à sa place, oui ou non? Oui, je suis à ma place. Non, mais. À leur place. Alexandra, tu te réveilles, s'il te plaît. Eh oui, je me réveille, Gérard. Parle un peu mieux, quand même. Aimeriez-vous être à leur place? Non. Non, pourquoi? Oui et non. Alors, oui. Pourquoi? Bon, non, parce que... parce que... on n'a rien de temps, ils vont gagner de l'argent, simplement. Mmh. Ils ont trouvé le filon, pas bête. Et comme a dit Julie Huguet, je sais plus, ils ont les filles à leurs pieds, ils ont tout à leurs pieds pendant un certain temps. Et non, parce que c'est, ça va pas durer et ça va pas être très marrant, c'est tout. D'accord. Jean ? Oh, celui qui a la musique derrière, tu t'en vas. Non. Non, non, c'est bon. C'est bon, on coupe celui qui a la musique. Jeanne. Non, moi j'aimerais pas être à leur place hein, parce qu'ils ont plus de vie privée. Et c'est ça le problème, quoi. D'accord. Ouais, ben on revient. D'accord. Ok, je vois à peu près ce que tu veux dire. Virginia. Bah moi j'aimerais bien être à leur place parce que en fait, se fait connaître, on n'a rien de temps. Mais il faut être assez intelligent pour bifurquer après. Et pouvoir continuer une carrière en solo à Saint-Pétersbourg. Mais c'est nul. Et toi, Gérard? Non mais déjà, celui qui joue avec la musique, il arrête. Tu arrêtes avec la musique. Mais taisez-vous. Gérard, c'est quand même en ton nom, cette chanson. Oui, mais ce qui... Mais c'est un honneur pour toi, Gérard. Non mais je veux pas le savoir, c'est pas le sujet. Ok. On vient de devenir de joie, Gérard. Alors Jean et Patrick, dégagez, bonne nuit. C'est bon, Jean et Patrick, dehors. Oh, mais t'es pas sympa, Gérard. Non, je suis pas sympa, on n'a pas... Non, on n'a pas passé de musique. On est au débat, on passe pas de musique. Gérard. Ah, c'est malin. Hein. On revient juste sur le débat. Et... Voilà, merci. Non, arrêtez. à savoir, est-ce que toi, t'aimerais être à leur place? Non. T'es célèbre aussi, je suis désolée, t'es un peu un boys band quelque part. Non, mais j'aimerais pas être à leur place parce que, bon, ben, d'accord, j'ai quand même pas mal de fans hein, qui m'écoutent. Tu peux faire plein de films, Gérard. Ta gueule, toi. Derrière. Oh, ta gueule, pour l'instant, je sais pas sonner. Hein, hey. Bon, tu peux. Hey. On vous la ferme, ok. Tu fermes ta gueule et tu m'écoutes, d'accord. Hey, tu prends les gens pour des canards sauvages. Quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras sous le lit, toi, d'accord. Ouais, tu l'as déjà dit, celle-là. Oh, Gérard, bien envoyé. Et quand je te dirai tentacule et encule ta sœur, ou la main de ma sœur dans la culotte d'un soir, tu me feras signe, ok. Attention, là, t'as salut, je vais répondre à la question. Juste un petit message, petit cœur, laissez son numéro de téléphone. Ah bah alors, petit cœur, on va te rappeler. On va faire un boys band dans son lit. D'accord. Alors, petit cœur, que... T'inquiète pas, Angère. Vas-y, continue. Donc, alors moi, je réponds à la question à Julie. Donc, non, tu la fermes, pour l'instant, c'est pas... Pour l'instant, vous la fermez, ok. Bon, je réponds à la question, donc. Est-ce que je voudrais être à leur place? C'est ce que tu m'as demandé comme question. Non, pas du tout. Bon, ta gueule, toi, je t'ai pas sonné. Gérard. Oh, c'est bon, là. Calme un peu, là, Ouais, le débat, c'est déjà commencé, maintenant, tu commences à t'énerver, ça va pas, ça, ouais, hein. Non, mais attendez, les nanas. Oui. Les nanas, je parle en votre faveur, alors, commencez pas à me prendre la tête, parce que j'ai assez de femmes qui arrêtent pas de m'écrire, d'accord. Je préviens d'une chose. Je réponds à la question. À l'heure actuelle, j'ai trop de femmes qui n'arrêtent pas de m'écrire ou de me téléphoner. Oh là là. Ok. Alors maintenant, être à leur place, ça serait dur parce qu'à chaque fois que j'ai des nanas, j'ai du mal à finir. Mais je crois que c'est même pas une question de nanas. Il y a surtout JPG sur Minitel qui a une remarque très pertinente. Il dit, Gérard, tes paroles de poème, tu crois pas que ça pourrait être des paroles de boys band? Je suis désolée, là, t'es vachement au point. Moi, je suis sûre que ça pourrait marcher. Hein. Exactement. Mais ouais, les poèmes, c'est mon problème. C'est moi qui cherche des idées. Non, Gérard, est-ce que tu t'imagines? La musique, ça suffit. La musique, ça suffit. Merci pour la musique. Alors, la question. Les To be free. Pour être libre. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, je peux pas comprendre. Quel âge et quel niveau intellectuel faut-il pour être fan d'un boss band? C'est ça, faut être mongol, faut pas avoir cerveau carrément, quoi. Faut être Gérard. Gérard, je pense que t'es assez d'accord, non? Oui et non. Ton âge et ton niveau intellectuel, ça le fait, quoi. Exactement. Ouais, mais ça dépend de la musique. Hein. Ça, on en revient comme tout à l'heure, je l'ai assez dit. Je pense que sur la musique, c'est bon, hein. Donc, on va demander à Alexandra. Oui. Alors? De quoi? Vas-y, répète la question, j'ai pas... Là, j'ai le niveau intellectuel qu'il faut pour être fan de Boys Band. Eh ben, j'ai dit que le niveau intellectuel qu'il fallait, c'était Gérard, c'est bien. D'accord. C'est bien. Ok, merci Magali. Magali. Magali est partie. Ok. Alors, Jean. Bah moi, je pense que je peux être comme toi, quoi, parce que sinon, on est trop intelligent, puis on n'achète pas le disque après, donc ça va pas, quoi. Ouais. Ok. Patrick. Ouais, moi, je dis qu'il faut pas avoir de cerveau, quoi. D'accord. Comme Gérard. Bah, comme Gérard. Ouais, comme Gérard. À peu près comme ça, quoi. Simplement. D'accord. Et qui c'est la nana que vous allez dire comme Gérard? C'est Alexandra. Alexandra? Oui. D'accord. Okay. C'est parti avec Gérard de Suresnes pour vous, messieurs. Pour vous, messieurs. Là, et surtout pour vous, messieurs. Mais non. Gérard est hétérosexuel. Bon. Alors non. Là. Jeanne. Gérard, il est homosexuel. Oh, vos gueules! Il faut pas le dire. Vos gueules, là, les deux tableaux, là. Ah. D'accord. Les grandes folles qui deviennent pas qu'on était tous les deux dans un bidon. Ta gueule, un peu, quoi. Jeanne. Attends, qui c'est qui vient de parler de la loco? Qui c'est que vous osez dire la loco? Personne, d'accord. Bande de dégonflaires. Jeanne. Oui, moi je pense que c'est une mauvaise question parce que classer les gens par catégorie comme ça, âge, niveau intellectuel, c'est intolérant. Bon, Patrick et Jean, vous dégagez. Patrick et Jean, vous dégagez. Au revoir, Patrick et Jean. Au revoir, Patrick et Jean. Non. Gérard, la conclusion. Bon, non, mais je vais finir quand même la question. La question, pardon. Jeanne. Oui, je disais que c'était une mauvaise question parce que classer les gens par niveau intellectuel ou par âge, c'est assez intolérant, quoi. Donc, je pense qu'elle ne se pose même pas, quoi. Ok. Virginia. Moi, je pense qu'il faut être quand même relativement jeune et que de toute façon, leur succès ne tient qu'à celle qui a cette. Oh, la musique derrière, ça suffit. Excuse-moi, Virginia. Non, non, mais la musique, vous arrêtez, s'il vous plaît. Je leur dis pas une troisième, ou sinon j'arrête le débat. Et tu vas, Tom, attention. Hein. Virginia, donc. Oui, je pense que leur succès ne tient qu'à celles qui achètent leurs disques, et que si on achetait un peu moins leurs disques, si on les mettait un peu moins sur des piédestals, je pense qu'elles redescendraient à un niveau qui serait plus que leur. D'accord. Donc, on va faire la conclusion, et puis je pense qu'on va enchaîner après... sur le prochain débat. Donc, alors, Alexandra, qu'est-ce que tu as pensé du débat? Alors, moi, à mon avis, tu vois, Gérard, c'est pas toi qui as fait les questions. Déjà, une, n'est-ce pas? D'accord, c'est pour moi, et alors? Bon, très bien. Non, mais c'était simplement pour remarquer, les questions étaient un peu plus intelligentes que d'habitude. D'accord, bien sûr, merci. Mais c'est gratuit. Enfin, moi, je sais pas de quoi, Gérard. Ensuite, les boys bands. Ouais. Bah écoute, moi, je serai jamais fan de boys bands, j'ai jamais été, voilà. D'accord. Simplement. Ok. Eh ben, dans ce cas-là, je te souhaite une bonne soirée, puis je te dis à plus tard, Alexandra. À plus tard. Jean? Ouais, ben moi, je suis contre les boys bands. Je pense que ça va bien avec le contexte socio-culturel actuellement, quoi. Voilà. D'accord. Patrick? Ouais, ben moi, je suis contre les boys bands aussi, puis je voulais te demander une chose, si dans le bois, entre deux fellations et une sodomie, t'avais le temps de me tailler un bout de bois, quoi. Alors, Patrick, je vais te répondre tout de suite à ta question. Je vais te répondre tout de suite là, ce que tu viens de dire. Ouais, vas-y, accouche. Hein. Ouais, accouche si je veux. Dans ces cas, je vais te dire une chose. Une, voilà, déjà c'est une. T'as du monde derrière toi. Ah ouais, vachement, putain, il y a trop de monde. Ok. Et de deux, le bois de Boulogne, de toute manière, j'y ai jamais été, d'accord ouais, bah, on ok. Vu, alors, bonne nuit, Patrick. Allez, dégage, ça me prend des vacances. Jeanne? Oui, bon, moi je pense que si les boys band marchent, c'est qu'il y a un besoin et qu'ils le comblent, quoi. Voilà. D'accord. Virginia? Moi je pense que s'ils écoutent ce débat, peut-être que ça va les faire réfléchir un petit peu. Je pense qu'il était quand même assez utile. Attends, là tu peux. Assez nul, je crois qu'elle a dit. Non, j'ai pas dit ça. Si, t'as dit assez nul. Ouais, j'ai l'impression. Donc, alors, je... Et la conclusion de Gérard? Pour moi, la conclusion, Bon, la conclusion, c'est que le premier débat, j'espère que ça aura plu à tout le monde. Pour moi, bon, ben, fan d'un boss band, j'y serai jamais, à part de Ricky Martins. Ça, c'est mon point de vue. Et de ABBA. Personnel de ABBA et... Claude François. Pas oublier qu'ABBA, bien sûr. Et Michel Sardou. Et voilà. Donc, Et ABBA. Et ABBA. Et les Bee Gees. Et Bee Gees. Et ABBA. Voilà. Et donc, Et les Giscard. Bon, ça y est, vous fermez vos gueules quand je donne ma conclusion, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Attends, celui qui dit enfoiré, tu vas te faire... Tu vas te faire sodomiser. Tu vas te faire enfoirer toi-même ou que je pense, d'accord? Je vais te faire enfoirer, ouais. Voilà. D'accord. Donc t'accroches les surgères. Donc la conclusion, ben. Et pour ou contre finalement? Bah en fin de compte, je suis. Tout ce que t'as appris. Tout contre. Je suis contre. Collé. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Gérard. Complètement collé, tout contre. Voilà. D'accord. Donc, alors, le prochain débat, c'est sur les nanas et les mecs. Et alors, donc, je voudrais un maximum de nanas qui puissent réagir. Non, mais il faut des nanas et des mecs, si c'est sur les nanas et les mecs. Oui, mais c'est sur les deux, mais je voudrais un maximum de nanas pour ce débat-là, parce que je pense que je vais quand même dévoiler ma vie privée sur ce débat. Oh là là, ça va être chaud. Alors... Je demande à pas mal de nanas d'appeler. Il y a certains mecs, mais... Tu rappelles le numéro? Attention, je préviens avant de donner les numéros. On vous l'a dit tout à l'heure, donc je donne les numéros, c'est pas la peine. Le numéro de téléphone, c'est 0803-08-5000. Et toujours le Minitel à votre disposition, 3615, code Fun Radio, rubrique direct. Où il y a Magali, Cameron, Odin, Akira, Sébastien, Dan, Petit Cœur. Petit Cœur, je t'en supplie. Mais Petit Cœur, il y a un numéro, c'est bon. Bon, alors Petit Cœur, on va t'appeler pour Est-ce le qu'on deuxième. On peut avoir, Gérard, la première, on exclut. Ah, la première question. La première mondiale. Question, c'est pour ou contre les femmes? Ça veut rien dire, Gérard, entre Donc, nous. Donc, pour ou contre les femmes ou les hommes? Et qu'est-ce qu'on écoute? Et on va écouter Pesdez avec Katharina. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Jusqu'au bout, vous venez d'écouter Laurent Garnier avec Jambon Bacon et je vais vous dire une chose que le clip... Avec quoi? Jambon Bacon. D'accord. Et je vais vous dire une chose, ce clip il est super et je l'ai vu plus d'une fois et je m'éclate de rire là-dessus et c'est super. Donc je vous le conseille. Super.